Cargo Cult. That's what I want, nous dira la chanteuse. Amis du monde, amis des ondes, bienvenue dans Cargo Cult. The Flying Lizards, au pluriel. Au pluriel parce qu'on va parler de deux disques aujourd'hui, bon, ce sera essentiellement du premier. Mais Flying Lizards, c'est un vrai bonheur. Bonheur d'un One Hit Wonder. Et j'adore ce mot, le One Hit Wonder. Vous lâchez un morceau comme ça, vous venez de nulle part, et vous avez une postérité à vie avec un titre. Et bah tiens, trêve de tergiversation, ce titre c'est celui-là. The best things in life are free. And give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love gives me such a thrill. But your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Money, that's what I want. Tout ça en 2 minutes 30. On est en 1977 et c'est un tube complètement ovni venu de nulle part. Et voilà, c'est le grand quiproquo. Parce qu'à la tête de ce morceau-là, et à la tête du groupe Prête-Nom et Flying Lizard, il y a finalement beaucoup plus qu'un One Hit Wonder. Il y a beaucoup plus que cette citation sublime et désinvolte. Money, that's what I want, c'est une reprise. Alors, c'est pas une reprise si évidente que ça, c'est là que c'est génial. C'est la reprise d'un morceau culte pour le peu, mais pas un super tube non plus. C'est un morceau qui s'appelle Money, on l'a compris, signé Barrett Strong. Alors, Barrett Strong ne le signe pas, c'est lui qui chante, mais c'est signé par un certain Berry Gordy. Berry Gordy qui signe ce titre, le produit, pour son tout jeune label créé à Detroit. Détroit. Le label s'appelle Motown. On est en 1959. Alors, si c'est pas le starting d'une légende, ce truc-là. Donc, ce morceau-là, que d'ailleurs plein de zélateurs de la soul et notamment les allumés du nord de l'Angleterre, on connaît ce phénomène Northern Soul, où tout ce qui était importé et plus ou moins caché de la soul de Détroit, de Chicago et quelques autres endroits aux États-Unis faisait le bonheur de kids allumés à cette dite Northern Soul, ben, ça va toucher pas mal de gens. Les Beatles vont reprendre cette chanson-là. Pas sur un disque, mais en scène. Exactement comme un autre groupe plutôt connu, les Rolling Stones. Il n'y en a pas un qui ait fait cette reprise-là aussi bien. En fait, les Flying Lizard, avec ce titre, en 1979, ce seul single, arrive à faire meilleur que l'original. Excusez-moi, battre un morceau de Motown au finish, c'est pas mal. Et alors pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est meilleur? Bah, vous l'avez entendu. C'est complètement déglingué, c'est fait avec des tape loops complètement bizarres, ça vient d'une espèce de population extraterrestre, on n'a jamais entendu ça, et le gars qui est derrière ça est un producteur totalement génial, mais finalement plutôt un genou bidouilleur. Et là, ça étonnera personne, c'est pas du tout un gars qui est issu du camp, du vrai camp de la musique, c'est encore un de ces gars du post-punk qui sort d'une école d'art. Oui, encore les artistes, vous avez rendu compte. Bon, et c'est pas une nouveauté, mais ça sera spécialement le cas à partir des années punk. Finalement, la meilleure musique, elle sera produite dans les écoles d'art, plus que dans les conservatoires. C'est à peu près vrai depuis toujours. Donc, alors ça l'est spécialement à ce moment-là. Petit mot sur les Flying Lizard et donc la personnalité de Cunningham, puisque c'est le projet d'un seul homme. Mais c'est un seul homme, mais très bien entouré. On va le voir par la suite. Et non seulement il est bien entouré, mais de fait, il commence bien. Il est plutôt quelqu'un de long. Il est quelqu'un qui va produire des choses. Entre autres choses qu'il a produites, il va produire Wayne County. Wayne County, c'est un allumé notoire, un chanteur entraveloté, originaire de Dallas, mais qui s'exprimera à New York dans les années... Enfin, dans le début du punk, dans cette finitude du glam rock, dans lequel Wayne County va finalement apporter une décharge de punk totalement salutaire, hein. Et puis après, dans le punk rock, et en donnant au punk rock une allure camp totalement exaltée qui lui faisait du bien. Parce que si le punk rock était strictement hétérosexuel, c'eût été très chiant. Alors, retour quand même à David Cunningham, car non content de produire Wayne County, ça finalement ce sera pour un one-shot, va, au moment où il fait ce disque-là, il est en train de produire un autre groupe et sur son propre label, pas le moindre, This Heat. On n'a pas parlé de This Heat encore, mais ça viendra. Et l'album de This Heat, le premier album, est absolument colossal. Tout comme la carrière de This Heat d'ailleurs, mais le premier album aura sa colonne dans Cargo Cult, ça c'est promis juré. Pas très longtemps après, un album qu'on a justement dépeint dans les colonnes de Cargo Cult, c'est le tout premier disque de Palace Chambourg, pour lequel il est coproducteur. Donc David Cunningham, c'est un gars extrêmement malicieux, un lutin finalement très peu visible, mais qui laisse comme ça sa patte, et de façon d'ailleurs assez parcimonieuse, dans des productions extraordinaires, qui font pas de tube forcément, mais qui font culte sur la longueur. Or, c'est en totale contradiction avec ce tube éphémère, grandiose, et finalement accidentel qu'a été ce Money That's What I Want, cette reprise par les Flying Lizard. Évidemment, elle a figuré en bonne place dans l'album qu'on va écouter aujourd'hui. C'est d'autant plus étonnant que ce Money est en fait la redite d'un autre truc. J'entends pas, c'est la redite d'une autre reprise, parce que Cunningham avait commencé, et les Flying Lizard avaient commencé à sortir en 1978, une reprise, elle aussi, exactement sur le même genre d'acabit, le même genre de tempo, une reprise de Summertime Blues. There's no cure for the Summertime Blues. Et dans l'un comme dans l'autre, cette même façon totalement désinvolte de jouer des loops, de psalmodier des textes. Là-dessus, il faut saluer l'extraordinaire présence froide, BCBG, ascétique, voire énervante, de la chanteuse Deborah Evans, chanteuse soliloquente, upper class, fringué BCBG avec un collier de perles. Il n'y a pas plus anti-punk, il n'y a pas plus anti-pop, il n'y a pas plus anti-glamour. Et in fine, elle est absolument délicieuse. Et elle a ses vocaux que David Cunningham va qualifier de vocaux télégrammatiques. Et ça, au fur et à mesure de l'album, vous allez vous rendre compte. Donc elle est particulièrement présente sur Le Money, That's What I Want, sur la reprise Summertime Blues. Elle le sera plus encore, mais ça vient un petit peu après, sur un troisième album du groupe, qui pour le peu va officialiser ce côté reprise et va appeler son album plutôt justement Top Ten. Ok, bien vu, mais le coup est déjà fait pour le peu. L'essentiel de ce qui va devenir passionnant avec Flying Lizard est peut-être justement ce qui va se cacher derrière ces reprises. Et c'est là maintenant qu'il faut rentrer dans une musique que vous allez voir beaucoup plus complexe, beaucoup moins affirmée que ce tube délicieux. Je vous le disais, notre homme est très bien entouré, il est fort d'influences majeures qui revendique finalement dès le début dans sa musique, mais qu'on ne saura pas forcément entendre, et ces influences-là, c'est plutôt issu de la musique contemporaine, dans cette musique minimaliste des années 70, mais aussi ce qu'on va appeler une forme de post-minimalisme qui lui embraye le pas, et en Angleterre, c'est des générations de compositeurs comme Cornelius Cardew, Gavin Bryars ou Michael Nyman. Michael Nyman va être un comparse et un ami régulier et sur la longueur de David Cunningham. Il figure sur les deux disques des Flying Lizard, les deux premiers disques des Flying Lizard, y compris dans des compositions de stridence rock à laquelle le Sonic Youth n'a pas encore goûté, qui laisse totalement pantois. Gardez vos oreilles ouvertes, on y arrive tout à l'heure. Donc il y a cette... Il y a finalement, sous un déguisement trompe-l'œil tout à fait fascinant, chez David Cunningham, une intention très avisée de dissimuler une musique expérimentale sous la fantaisie. D'ailleurs, Cunningham avoue aussi adorer Joe Meek, spécialement son tube instrumental, Telstar, écrit au milieu des années 60, tout comme le surf rock et les Beach Boys. Mais, franchement, jamais un lien aussi gros, peut-être même aussi grossier, hein, ça dépend comment on se situe, avait été fait entre les avant-garde pop et le mainstream. On a Dada et Fluxus à Top of the Pop en même temps. Voilà qui est bien joué. Parce que, avouons-le, hein, des tape loops, des bandes triturées et des bruits en pagaille au sein d'une structure d'une chanson pop strictement basique sur 2 minutes 30, c'est quand même plutôt rare dans la pop. Alors, plutôt rare, mais déjà éprouvé, évidemment. Hein, les Beatles sont passés par là avec leur album Revolver, le fameux Tomorrow Never Knows, qui forcément va donner des idées à plus d'un. Tout d'un coup, le magnétophone va devenir instrument. Mais, ma foi, c'est des choses qui se font comme ça. C'est des one-off au milieu d'une carrière, que ce soit celle des Beatles, que ce soit celle d'autres. Chez David Cunningham et les Flying Lizard, ça va être un maître mot et constant. Donc, de ses débuts en 1976, il va signer un premier album, autoproduit, et sur son propre label, Piano. Et puis, il va enchaîner avec le single Summertime Blues, j'évoquais. Il se trouve que ce single va tomber sur l'oreille d'un Iron Heart, un artiste en répertoire de chez Virgin, qui va pousser le machin, quoi. Pousser le machin jusqu'à même permettre la sortie d'un deuxième single. Et le fameux deuxième single, ben voilà, je vous le remets en tête, mais on l'écoutera même dans sa version in extenso dans l'album. La version single dure 2 minutes 30, mais la version album dure plus de 5 minutes. Et c'est bien sûr le Money, That's What I Want. Et bref, ben, Summertime Blues va être en fait un petit tube, une espèce d'airplay. Sans vendre, ça va titiller les disjockeys. Alors que, et là finalement c'est étonnant, c'est que l'évidence de Money ne va pas se faire jour immédiatement. Le morceau va un peu ramer pendant 6 semaines, etc. C'est pas d'Angleterre que le coup va venir, c'est du reste des pays de l'Europe. Et puis du coup, bah voilà, effet deuxième vague qui là va être pour le peu un tsunami véritable, quoi. On notera que dans l'un comme dans l'autre, on n'a plus cette domination des guitares est complètement finie. Quand bien même on est encore en plein sur les cendres chaudes du punk, hein, et finalement les guitares sont bien là, alors que la synthwave, elle, n'est pas encore. On est en plein cette transition où finalement on peut faire feu de tout bois et où les expressions les plus foutraques, si elles sont malines, peuvent trouver voie. C'est exactement la définition, c'est exactement le motto de David Cunningham et donc des Flying Lizard. Fini la domination même des chanteurs ou des chanteuses. Alors vous avez vu, du coup, c'est remplacé par quelqu'un comme Deborah Evans. Et une autre chanteuse, c'est marrant parce qu'elle, on l'a figurée aussi dans d'autres trucs, mais c'est absolument pas une chanteuse, elle ne veut pas ça. C'est Vivian Goldman. Et Vivian Goldman, c'est l'accompagnatrice du punk, c'est sa biographe. Elle est aujourd'hui professeure de punk studies à Columbia University de New York. C'est du sérieux, hein? David Cunningham aussi enseigne et il est universitaire maintenant. Donc il y a un côté jeune trublion du punk qui ont quand même vécu leurs années parfaitement comme il fallait, qui en plus en laissant des choses fabuleuses, et qui sont après devenus, ma foi, des académiques, à mon avis, tout à fait respectables. Mais leur enseignement, leur culture, elle vient exactement de là. Elle vient de là d'où on parle. Et ça, c'est bon à savoir. On va s'écouter l'album, et puis je reviendrai après un petit peu sur le personnel et tous ces pas, ce truc, parce qu'il y a, vous savez, il y a du beau monde là-dedans, quand bien même le Flying Lizard, c'est l'œuvre d'un homme, et c'est David Cunningham. Tout ce premier album est savoureux, et vous êtes extrêmement rapidement pigé qu'on n'est pas que dans la citation, on n'est pas que dans la parodie. Ça peut le prêter au départ, hein, le premier morceau, par exemple, c'est une reprise complètement énervée, voire énervante, de Mandala Song. Ah, Mandala Song, c'est évidemment un classique de l'association Kurt Weill et Bertolt Brecht, quoi, sur l'opéra de Katsu. Mais suite à ça, beaucoup d'allers-retours entre des musiques finalement qu'on peut définir comme expérimentales et dans lesquelles vont se promener et côtoyer des personnalités très diverses, des improvisateurs comme Steve Beresford, qui va accompagner assez souvent Cunningham, un petit passage éclair de David Toop, il en fera deux ou trois avec Cunningham. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse, on a souvent prêté à David Toop la co-composition, enfin une participation totalement fausse en fait, et totalement inventée dans le fameux tube Money by Ottawa. David Toop, il n'y a absolument pour rien. Il est pote avec son créateur, mais voilà, ça on ne fait pas plus que ça. Voilà, alors bonne écoute de ce disque, on est sur une quarantaine de minutes là, et puis promis, après on revient ensemble, et puis on s'écoutera le deuxième, puis on est finalement le complément assez direct, mais vous allez voir un complément peut-être encore plus audacieux, avec probablement moins d'éclat, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas de tube. Virgin va signer deux albums, miraculeusement faire un single qui va bien marcher, un album qui marchera, bah, on va se rendre compte que pour le grand public, le single pouvait être marrant, mais ce qui suit derrière, elle était un peu moins évident, hein, vous allez comprendre rapidement. Quant au deuxième album, forcément, il mettait totalement à plat ce qu'avait essayé de mettre au pinacle le premier album. Et ça n'en fait pas du tout un mauvais disque, bien au contraire. Ces deux disques sont absolument des chefs-d'œuvre et Cunningham mérite tout le respect, probablement bien plus qu'il en a eu. Maintenant que je vous ai convaincu, bonne écoute, c'est Cargo Cult. Thank you. Okay. Have a good evening. I knew you'd go far in my white convertible car, reclining my seat, lying back in this heat. Look me up on channel 3. So sophisticated, charming and educated. And I hope you don't mind, nothing's harder to find. Someone sends you like you. Elton John style, with an ego profile, small screen smile. I think you're very, very, very, very, very, very, very, very, very. Et ton moi, au-dessous de toi, je suis une sphinx. We'll be right back.

get everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Speakers in a correctly tuned system. Là, des guitares. C'est le dernier morceau de l'album, entre guillemets, et de fait, il n'en fait pas partie. Ça, c'est un inédit qui a fait la joie de la réédition. C'est une bonne chose, parce que David Cunningham, là-dessus, donc on a compris, hein, c'est le capitaine d'équipage de des Flying Lizard. Et pour le peu, c'est un one-man band, mais un one-man band quand même très, très entouré. Et là, il est strictement tout seul dans ce Guitars. All Guitars. Et ce morceau, en fait, qui n'était pas dans le ton de l'album, qui a quand même bénéficié des grâces de la réédition, et tant mieux, en fait, aurait dû se retrouver au moins adapté dans l'album, le premier album de This Heat, que David Cunningham était en train de produire au même moment. Donc c'est assez extraordinaire comme les Flying Lizard, et surtout son personnage central, arrivent à eux seuls à comme ça concentrer des individualités totalement incroyables. En sautant du coq à l'âne, il suffit juste de se remémorer le morceau qu'on a entendu juste avant, ce All Guitar, finalement trop expérimental, strident et guitareux pour venir à l'album. Et là, on y entend une stricte chanson de Byzante avec des effluves reggae absolument finement travaillées. Et là, ce morceau qui s'appelle The Windows, il est avec Vivienne Westwood, c'est l'autre, et qui est donc cette prêtresse du punk en même temps que Vivienne Goldman, pardon, en même temps que sa représentation quasi académique aujourd'hui. Voilà, Vivienne Goldman, une copine aussi à John Lydon, elle apparaît comme ça furtivement aux côtés de Public Image. En fait, elle est un petit peu partout et nulle part à la fois, quoi. C'est une entité plus qu'une une performeuse. Mais là, elle était définitivement dans son camp, quoi. Ami Geek, vous êtes très au point. Hein. J'étais très, très, comme ça, touché par cette invective en ligne qui dit « Oui, voilà, une très chouette LBX5 !» J'étais pas secoué, hein. LPX, c'est une série de lexicons, hein, donc une référence, un traitement en fait. Et la question, est-ce qu'il s'agissait d'une LPX 5 ou d'une LPX 1? Je crois qu'il y en a que deux de fait dans la série. Et ça vaut le coup de se poser la question. Pas évident, à mon avis, de trouver la réponse. Mais effectivement, on est dans cette gamme d'effets qui sont finalement hérités du dub, qui commencent à mettre comme ça dans des reverb units des choses qui marchent bien. Mais on est au balbutiement de ça, quand même. On est à 79, 80, voilà. Après, David Cunningham est clairement un geek. Au point qu'aujourd'hui... Alors je vous en dis, c'est génial. Aujourd'hui, David Cunningham est un... Je ne sais pas comment on va traduire ça, on va dire professeur d'effets et de loop. Alors, je me comprends, et là, je retrouve des notes que je n'avais pas finalement prévues sous la main pour vous, mais il est dans un centre de recherche à Newcastle, c'est au nord de l'Angleterre. Je vous dis, hein, c'est un académique depuis assez longtemps qui crée une conscience des sphères assez formidable et qui est spécialiste dans le studio processing et les loops and treatments. Je préfère le dire en anglais, c'est super bien, quoi. Et voilà, alors ça en fait comme ça une divinité hyper respectable et bien à lui. Ce qui est intéressant, c'est que Dave Cunningham, c'est aussi un bon élève. On va revenir sur le Money, That's What I Want. C'est justement à l'écoute de celui-là que vous vous demandez en ligne, tiens, mais est-ce que c'est bien cet effet lexicon-là qui justement conclut le morceau, qui part carrément dans des volutes dub, hein, et avec vraiment, ouais. Eh ben, figurez-vous que, et ça c'est certifié, c'est le seul morceau avec un piano préparé qui n'est jamais figuré dans Top of the Pop. Oui, le piano préparé à la façon John Cage. Et il est dûment préparé parce que l'enregistrement s'est fait donc avec un magnéto mono, tout fraîchement acquis par Cunningham. Mais sur les cordes du piano, il avait mis le magnétophone lui-même et un cendrier. Donc voilà, forcément tout ça est mis en vibration par les cordes, totalement métallisé. On connaît le principe du piano préparé, hein, vous glissez dans les cordes différents objets métalliques, caoutchoutés, élastiques ou quoi que ce soit, et vous en changez le timbre. Donc ça devient un autre instrument, une nouvelle lutherie. Ça, c'est l'invention, en tout cas, c'est ce qui a beaucoup été propulsé dans la musique contemporaine du XXe siècle par John Cage. Il n'en est pas l'inventeur, en fait, mais bon, il en est le zélateur, ça c'est clair. Mais combien de petits rejetons de la pop se sont emparés du truc? Pas tant que ça. Et en même temps, là encore, voilà, il y a cette filiation école d'art. On étudie plus John Cage dans les écoles d'art, au moins, en tout cas, on l'applique plus dans les écoles d'art que dans les écoles de musique. Donc, que là soit dit. Bah justement, on reste dans le sillon de ces écoles d'art, parce que c'est là que Cunningham va rencontrer pas mal de ses petits potes. Je pense à Steve Beresford, ça, c'est un musicien aussi, mais plutôt dans le camp des improvisateurs. Tout ce jet absolument génial, intuitif du premier album va être finalement formidablement construit, peut-être mieux encore dans le deuxième album. Donc je vais nous livrer une bonne partie là. Par contre, ça va être un échec. Virgin va se séparer du bonhomme. Mais de toute façon, c'était évident que ça ne marcherait pas. Ça ne pourrait pas marcher deux fois. Et d'ailleurs, le coup de la reprise, d'abord Summertime Blues, puis enfin le jackpot avec Money, That's What I Want, va échouer sur la troisième tentative. La troisième tentative, elle est dans cet album avec une reprise de Move On Up. Move On Up de Curtis Mayfield. Bon, et là, ouais, ça marche pas. Mais tout ce qu'il y a autour, en fait, est beaucoup mieux construit et peut-être plus constitué comme un groupe. Il y a notamment, cette fois-ci, une chanteuse que va récupérer Dave Cunningham qui va donner une âme et pas juste une présence. Et c'est Patti Paladin. J'adore cette femme. Patti Paladin, c'était la comparse avec Judy Nylon. Judy Nylon. On confondra pas avec Edith Nylon en français. Patti Paladin et Judy Nylon avaient formé un binôme éphémère et fantastique du punk proto-no-wave à New York qui s'appelait Snatch. absolument fabuleux. Vraiment un duo arty-punk, de filles comme ça, très âpres, rock, mais plein de références, plein d'humour. Et puis quelques excursions expérimentales au no-wave, plutôt que new-wave, sur le tout début des années 80. C'est très court, mais c'est très saisissant. Et bien sûr, c'est en contact avec Cunningham, qui est un aimant, si vous voulez, des tendances à ce moment-là, et qui va la convoquer sur l'album. Et bon, elle va non seulement y chanter pas mal, mais elle va aussi signer quelques compositions. Et ma foi, puisqu'on est dans le name-dropping, alors celui de Cathy Paladin, et finalement, c'est un nom d'initié, mais par contre, il y a des stars. Il y a Robert Fripp, à la guitare, évidemment, quoi. Mais bon, à la guitare, et au traitement guitare, et aux guitares au pluriel. Le saxophoniste Gareth Sager, qui est lui issu du pop group et qui est en train de constituer Replicant Panic, absolument fabuleux. Et c'est un des gars qui va mettre le saxophone dans le rock d'avant-garde. C'était pas si fréquent. Michael Nyman, copain toujours, mais avec qui d'ailleurs Cunningham va continuer à gérer à convoler parce qu'il va y avoir des BO, enfin des films où il y aura une co-signature de Nyman et Cunningham. Et puis pareil sur des musiques de ballet, quoi. Voilà, je pense que il y a encore d'autres noms, mais là on est quand même dans des espèces de têtes couronnées qui vont s'offrir sur donc le deuxième album de Flying Lizard, qui s'appelle Fourth Wall, ce quatrième mur, une foison quand même de titres jouissifs, expérimentaux, poppy, parce qu'il y a toujours quand même cette trace de pop, et ça c'est vachement important, mais avec un décalage évident, quoi. Type de décalage qui positionne finalement le Flying Lizard un petit peu dans le camp de gens comme les Residents. Ça, je dirais que c'est aussi à eux tout seuls. Ils sont un peu les têtes de liste et les têtes pensantes de ces bidouilleurs à bande et à primo synthétiseur. Je pense aussi quand même à Morgan Fisher, tiens, et son célèbre projet des Hybrid Kids, qui consistait en des reprises. Et évidemment, c'est pas une surprise, quand Morgan Fisher a publié sa mythique série des miniatures, c'était en demandant à des amis de faire des morceaux de moins d'une minute pour un album. Évidemment, David Cunningham est venu prêter main forte au projet. Si j'ai le temps avant la fin, mais sur Cunningham, je serais un zélateur incroyable, mais j'adore tellement le son, que je reviendrai sur un Cunningham d'aujourd'hui, qui peut éventuellement performer en solo, justement des guitares seules, un peu comme on l'entendait dans le morceau précédent, mais là, assisté par un ordinateur et des délais comme ça, sempiternels, sur plusieurs trentaines de secondes, comme ça, avec des boucles de guitare. Je vous dis, l'homme est un expert de la boucle, il est aujourd'hui un philosophe de la boucle et du studio processing. Alors pour s'en convaincre, retour sur ce disque qui lui date de 1980, il emboîte immédiatement le pas au premier album éponyme de Flying Lizard. Celui-là s'appelle Fourth Wall et il est tout à fait remarquable aussi. Bonne écoute. Men's Club, take one. We had to be pretty tricky to get these men to break a tradition. Wonder what for? line. Take two. Thank you.

Thank you. Thank you. now, child. And don't you cry. Your folks might understand ya by and by. So move on up and keep on wishing. Remember your dream, it's your only scheme. So keep on pushing. Another witness. Thank you. fini, fini, fini, fini, fini, fini, fini, fini.